بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعون الله تبارك وتعالى نواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للشيخ أبو الحسن علي بن المختار الرملي حفظه الله تعالى وأصل الكتاب لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولا permission d'Allah, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbi al-Bariya, qui veut dire Fadlu, la grâce Rabbi al-Bariya, du Seigneur des créatures, dans l'explication de Durar al-Bahiyya, qui sont les belles perles de l'imam Shawkani rahimahullah. Donc nous avons fini Kitabu al-Tahara et nous sommes rentrés dans Kitabu al-Salah. Et dans le cours précédent, nous avons vu le sens de la prière dans la langue arabe, qui veut dire ad-du'a, l'invocation, comme Allah dit wasalli alayhim, invoque pour eux, inna salataka sakanun lahum, car ton invocation est une paix pour eux. Et shar'an, dans la législation, fahiya al-af'al al-ma'louma, ce sont les actions qui sont connues, tabda, qui commence bi takbir, avec ce qu'on appelle takbiratul ihram, le premier takbir. Ça va? Ce premier takbir est nommé takbiratul ihram parce que c'est ce takbir qui t'interdit la parole, qui t'interdit toutes les actions en dehors des invocations dans la prière. Mafoum? Donc c'est ce qu'on appelle takbiratul al-ihram. Donc tabdaou bi takbir, cela commence par le takbir wa tantahi bi taslim, et la prière finit par le taslim, c'est-à-dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est-à-dire les deux taslim. Donc ensuite nous avons vu les différentes prières, les nombres de rakat des différentes prières. Donc aujourd'hui nous allons rentrer dans le chapitre Babu Mawaqi'is Salah. Si on fait le mot d'off, c'est Babu Mawaqi'is Salah, le chapitre des moments de la prière. Quels sont les moments légiférés pour la prière? Est-ce que ces moments-là, ce sont les heures que nous connaissons, telles que par exemple, c'est connu dans beaucoup d'endroits, que c'est à 13 heures. 13 heures, c'est 13 heures. Il y a d'autres même qui définissent les gens de la sunna par 13 heures. Et ils disent, là où on prie 13 heures, on va bien miser l'eau. N'est-ce pas? D'autres disent, là où on prie 13h30, on va bien misriter. Et chez d'autres, c'est 14h. Ça va? 14h, ça ne bouge pas. Donc, est-ce que les heures de prière sont basées, c'est-à-dire les moments de prière sont basés sur des heures fixes? La hada khilafu sunnah. هذا خلاف ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le contraire de la sunna et c'est le contraire de ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous enseignait. Les heures de prière sont mutafawit, c'est-à-dire varient les heures de prière. Par quoi est-ce qu'on mesure les heures de prière? C'est ce qu'on va voir ici, bismillah. Alors celui qui se trouve quelque part où il n'a pas de montre, d'abord, awalan, on ne se base même pas sur les montres. On se base sur les heures, les moments que Jibril est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour toutes les prières. Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha. Quels sont ces moments-là? Donc d'abord, le cheikh, il dit quoi al-mu'allif rahimahullah. L'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, il dit أول وقت الظهر الزوال. Le premier moment de la prière de Zohr, c'est Az-Zawal. Qu'est-ce qu'on appelle Az-Zawal? On appelle cela en français le déclin. Ça va? C'est-à-dire lorsque tu t'arrêtes et tu vois le soleil tout juste sur ta tête. Et lorsque tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas l'ombre qui est décalé un peu. Ça, on appelle ça al-istiwa. En ce moment, c'est waqtu nahi. C'est le moment d'interdiction. Écrivez cela, al-istiwa. Ce moment, on appelle cela al-istiwa. C'est-à-dire le moment, lorsque tu regardes au-dessus de ta tête, tu vois le soleil. Et ensuite, lorsque tu regardes ton ombre, l'ombre n'a pas bougé, c'est-à-dire tu ne vois pas ton ombre. En ce moment, on appelle istiwa. Maintenant, lorsque tu vois maintenant ton ombre bouger un peu, min jihatil, yani du côté du levant, c'est-à-dire il bouge un peu du côté du levant, parce que lorsque le soleil se couche, l'ombre doit bouger du côté du levant. C'est ça? Toyib. Donc si ton ombre bouge un peu, c'est ce qu'on appelle Az-Zawal. Az-Zawal. Ça va? Notez cela. Donc, la prière de Zohr commence Fi-Zawal. Wa akhiruhu. Et la fin de la prière de Zohr, Masiru Zilli. C'est-à-dire lorsque l'ombre va devenir zillishay, l'ombre d'une chose devient mislahu, pareil à cette chose-là. Voici la fin de l'heure des Zohr. C'est-à-dire si tu t'arrêtes et tu vois que ton ombre est pareil à ta taille, ça va? C'est l'heure des Zohr. Et ça, c'est facilement reconnaissable. Ça, c'est la fin de l'heure des Zohr et le début de l'heure des Asr. Ça va? La fin de l'heure des Zohr est le début de l'heure des Asr. Ça va? Il n'y a pas de phase. Il n'y a pas de phase de distinction. C'est-à-dire, lorsque tu arrives à la fin de l'heure des Zohr, tu peux prier Zohr. Mais celui qui veut prier Asr, peut prier en ce même moment-là le Asr. Vous comprenez? Tayyib. Non. Le nom de ce moment-là, on appelle Masiru Zilli Shei Mislahu. Ça va? C'est-à-dire lorsque l'ombre d'une chose devient pareille à cette chose-là. Siwa Fei Zawal. En dehors de l'ombre du Zawal, c'est-à-dire du déclin. Bimana, lorsque tu t'arrêtes, il y a l'ombre du Zawal qui est là. À partir de cette ombre du Zawal, tu calcules jusqu'à ta taille. Donc c'est la fin de la prière des jours. Wa huwa awwal waqti al-asr. C'est le premier moment de la prière de, du temps de l'asr. C'est le premier moment de l'asr. Wa akhiruhu est la fin du moment de l'asr. Ma damati shamsu bayda naqiya. Tant que le soleil est blanc et clair. Voici le dernier moment des As. Mais le cheikh il va expliquer cela. Parce qu'il y a les hadiths qui viennent pour montrer le contraire de cela. Donc, nous allons lire la parole de Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah Ta'ala. Il dit, Bada al-Mu'allifu Rahimahullah. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé Bibayani mawaqit as-salah, a clarifié les moments de la prière. Fas-salatu laha waqtun muhaddadun min ash-shari'. La prière a un moment précis. Ça va? Venant du législateur. Wa dukhulu waqtiha, l'entrée du moment de la prière. Wa fi'liha, et le fait d'accomplir la prière, fi waqtiha al-muhaddada laha shar'an, doit se faire dans le moment spécifié dans la charia. Ça va? Celui qui prie dans un moment qui n'est pas spécifié par la charia, sa prière n'est pas acceptée. Car Allah dit quoi? Inna salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La prière est une obligation sur les croyants dans un moment déterminé. Ça va? Toyib. Donc le fait de le prier en son moment bien déterminé dans la charia, shartun min shurut sihhati salat. C'est une condition parmi les conditions de la validité de la prière. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة cette la prière كانت على المؤمنين كتابا موقوتا est une obligation sur les croyants dans un moment déterminé. في سورة النساء c'est-à-dire مفروضة est une obligation في أوقات محددة dans des moments bien précis. Ça va? Dans des moments bien précis. Tu adi fiha et tu accomplis la prière en ce moment min ghayri taqdim sans devancer wala ta'khir et sans retarder. Ça va? Tu accomplis la prière en ce moment sans devancer et sans retarder. Il y a des moments bien précis pour la prière. Wa salla Jibril bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi awa'il al-awqat wa fi awakhiriha. Jibril, lorsqu'il venait enseigner les moments de la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait dans les premiers moments et il venait dans les derniers moments. Et il disait ma bayna hadha wa hadha. Entre ce temps et ce temps, il y a la prière de Zuhur. Ça va? Nous allons parler de ce temps-là, de ce temps-là. Souma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait maintenant Jibril, lorsqu'il venait enseigner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait maintenant, hadha waqtul anbiya min qablik. Voici le moment de prière des prophètes avant toi. Wal waqtu est le temps de la prière maintenant, fi ma bayna hadhayn al-waqtayn. C'est entre ces deux moments. Akhrajahu Tirmizi. C'est rapporté par l'imam At-Tirmizi et par l'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud et c'est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Ibn Rushd fi bidayat al-mujtahid. Ibn Rushd il dit dans le livre Bidayat al-mujtahid. Qu'est-ce qu'il dit? Ittafaqa al-muslimuna, les musulmans sont unanimes. على أن للصلوات الخمسة كبر لسنج بريئة awqatan khamsa. Il y a cinq moments. Hiya shartun. Et c'est une condition fi sihhati salah. Dans la validité de la prière. Wa anna minha. Et dans ces moments, il y a awqatun fadila. Il y a des moments méritoires. Ça, c'est le premier moment. Wa awqatun tawsi'atan. Et il y a des moments tawsi'a. Yani, qui est, yani, vaste. Jusqu'à un moment bien donné. Awqat, il y a deux moments. Le premier moment, c'est awqat al-fadila. C'est le premier moment où il y a plus de mérite. Mais le dernier moment, ça c'est pour le mutaakhirun, le retardataire. Ça va? Al-muslim la yu'akhir salah. Le musulman ne retarde pas la prière illa li haja. Que lorsqu'il y a un besoin, comme celui qui est en voyage. Ça va? Celui qui est en voyage. Et on va voir le jamo du voyageur. Le voyageur, il peut faire jamo taqdim, rassembler deux prières, zour et puis asr, au moment du zour. Comme il peut retarder aussi zour et asr au moment des asr. Donc si ce n'est pas pour cela, là est juz. Il n'est pas permis qu'il retarde, un musulman retarde la prière, les ghayr uzr, sans excuse. Mafou? Voyez. Donc, awqat fadila, les moments de mérite et les moments qui ont été élargis pour ceux qui sont en retard. Mafou? Wakhtalafu, et se sont divergés, fi hududi, dans la détermination, at-tawsi'a, awqat at-tawsi'a wal-fadila. Dans la détermination du moment, fadila, du premier moment, ou du dernier moment, qui est at-tawsi'a. Ils sont divergés. C'est-à-dire, à quel moment, jusqu'à quel moment, waqtul fadila s'arrête. Et jusqu'à quel moment, le waqt at-tawsi'a continue. Notez cela. Waqtul fadila wa waqt tawsi'a. Tayyib. Donc ici, wa bada al-muallifu, l'auteur a commencé bi bayan waqt adh-dhuhr. Il a commencé à clarifier le moment de la prière de Zohr. Lianna Jibril bada bi. Car lorsque Jibril est venu, il a commencé par le moment de Zohr. Va prendre les ambitions. Par le moment de Zohr, et il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à l'enseigner par le moment de Zohr. Voyez. Wa awwal waqt adh-dhuhr, le premier moment de Zohr, c'est az-zawal. C'est le déclin. Le fait que le soleil bouge un peu. Ça va? Du zénith. C'est-à-dire, tu regardes et le soleil bouge un peu. C'est ce qu'on appelle az-zawal. Et souvent, ce zawal, c'est à partir de midi 3. Ce zawal, il change. Souvent, actuellement, si on regarde sur notre montre, c'est à midi 3. C'est-à-dire, normalement, à partir de midi 3, on fait l'azan et on peut prier. Normalement, à partir de midi 3, on fait l'azan et on prie. Hein? Wa hadha huwa al-waqt al-fadila. C'est le waqt al-fadila qui est là. Maintenant, souvent, quand les musulmans, ils retardent jusqu'à 13h30, souvent, ils sont dans waqt al-tawsi'a. Et souvent, c'est le dernier moment. Lorsque tu sors pour aller à la mosquée, regarde ton nombre. À 13h, tu vois même qu'il est presque à ta taille. Et souvent, à 13h même, il est à ta taille. Et souvent, à 13h30, il dépasse ta taille, c'est-à-dire que tu es sorti du moment des autres. Cela arrive. C'est pas la peine. Tu as raté la prière. Donc souvent, C'est ce que les musulmans ignorent. Les musulmans aujourd'hui, ils ont calé les heures de prière à des heures précises. Et souvent tu te demandes, ce n'est même pas souvent, c'est la question qu'un aqil, quelqu'un qui est doué de raison, il doit se poser. Maintenant, le azan a quel intérêt? Hein? Si c'est connu que c'est à 13h, on doit prier. Le azan a quel intérêt? C'est parce que les heures de prière changent. Les moments changent. Voilà pourquoi il y a un mu'azzin qui se lève pour interpeller les gens, pour leur dire qu'il est l'heure. Pour leur dire qu'il est l'heure. Et c'est ce qu'un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait. Lorsqu'il se levait, il voyait qu'il était l'heure. Il disait à Bilal, qum fa'azzin. Lève-toi et fais le azan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait le azan pour deux causes. Il demanda à Bilal de faire le azan pour deux causes. La première cause, lorsqu'il avait besoin d'un musulman, lorsqu'il y a des nawazil. C'est-à-dire, il y a des choses importantes qu'il faut régler. Il demandait, même si c'est à 10 heures, Bilal faisait le azan. Et les musulmans savaient qu'il y avait quelque chose d'important. Maintenant, la deuxième, c'est lorsqu'il était l'heure de la prière. L'heure de la prière. Bilal se levait, il faisait le azan pour annoncer la prière et on laissait un peu de temps, comme dans notre moment, de le azan jusqu'à Iqama, souvent on laisse 15 minutes ou bien 20 minutes ou bien 10 minutes. Ça dépend. Mais ça, c'est pour donner le temps aux gens parce que dès que tu attends l'azan, tu dois répondre. Dès que tu attends l'azan, tu dois répondre à l'azan. Hayya ala salah, tu dois répondre. Hadha wajibun alayk. C'est une obligation sur le musulman de répondre à l'azan dès qu'il entend. Il se rend à la mosquée. Ça c'est la réponse. Hein? Il répond à l'azan, barakallahu fik. En se rendant à la mosquée. Mais revenons toujours à ce que nous disons. Est-ce que les musulmans n'ont pas oublié ce moment de prière? Va te demander à un musulman, quel est le début de du moment des Zohr et la fin du moment des Zohr? Là, Yadri, il ne connaît pas. Vous priez Zohr à quelle heure ici? C'est 13h. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas aussi. Souvent, l'imam même, il est obligé de laisser ça à cause d'une maslaha. Hein? Sinon, s'il change là, les gens ne vont plus venir. Et on dit, mais c'est quelle mosquée ça? Toujours, c'est eux qui changent. Hein? Normalement, si ça bouge, de midi 3 à midi 5, on doit faire azan en ce moment. Si le azan, l'heure du azan change, même si c'est d'une minute, l'heure de la prière doit changer. Au fur et à mesure que le azan change, l'heure de la prière doit changer. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide enfin sur le droit chemin. Donc nous revenons. Awwal waqt az-zuhri az-zawal. Az-zawal c'est quoi? Le déclin. Le déclin, c'est-à-dire lorsque le soleil. Voilà, lorsque l'ombre passe du côté du levant. C'est-à-dire lorsque tu t'arrêtes d'abord. Lorsque le soleil s'élève, du côté du couchant, ton ombre devient long. N'est-ce pas? Maintenant, quand cette ombre-là commence à diminuer, parce que lorsque le soleil monte, il diminue. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il vient au milieu, l'ombre reste, c'est-à-dire sous tes pieds. N'est-ce pas? Lorsqu'il bouge maintenant, lorsque l'ombre commence à bouger un peu du côté où le soleil s'est levé, c'est waqt az-zuhr. C'est le moment des hommes. Que Allah nous préserve. Les musulmans ne connaissent même pas ça. Hein? C'est nous, on veut faire djihad. Que Allah nous préserve. Wajaa, ici, qala Ibn Munzir. Ibn Munzir dit, ajma'a ahlul ilmi. Les savants sont unanimes. Ala anna awwala waqti dhuhri, que le premier moment de la prière des Zohr, Zawal al-Shams, c'est le décret du soleil. Intaha. Alors cela vient dans Al-Awsat wa Al-Ijma. Waja'a fi dhalika ahadith kathira. Il y a beaucoup de hadiths qui sont venus à ce sujet-là. Parmi ces hadiths, minha, hadith Abdullah ibn Amr, qui est rapporté par l'imam Muslim. Il dit qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit waqtu dhuhri, le moment de la prière du zuhr, idha zalat ash-shams, lorsque le soleil décline un peu. Wa kana dhillu rajul katulihi, et la fin c'est lorsque l'ombre de l'homme est comme sa taille. Ça va? Wazawal, le zawal, qu'est-ce que cela veut dire? Maylu shams, le fait que le soleil se penche. Ça va? An kabidi sama, du milieu du ciel. C'est-à-dire, ay wasatiha, c'est-à-dire le milieu, ila jihatil gharb. C'est-à-dire, lorsque le soleil bouge un peu vers le côté du couchant. Et l'ombre va où? Du côté du levant. N'est-ce pas? Tayyib. Wa summiya zawalan. Cela a été nommé zawal. Li'annahum kanu yuqaddiruna. Parce qu'ils mesuraient. Anna shams tastaqir. Il disait que le soleil tastaqir. C'est-à-dire, lorsqu'il est au milieu, fi kabidi sama, il reste au milieu. Lorsqu'il est au milieu, en ce moment, il comptait le moment. Summa tazul, et ensuite il descendait. Aïe, tanhitu bimana, le soleil restait, le soleil bougeait un peu. En kabidi sama, du milieu du ciel, il a janib al-gharb, vers le côté du couchant. Wazalika lima yahsulu min baqi, et cela de ce qui arrive de la lenteur, harakatiha hunaka, de son mouvement du côté du gharb. Parce que lorsque le soleil décale un peu, il est un peu lent lorsqu'il descend. Ça va? Wastiqraruha, c'est-à-dire ici, le istiqrar, l'immobilisation du soleil, al-maznounu fi kabdi sama, qui est supposé ici, dans le milieu du ciel, du samma istiwa. On appelle cela istiwa, comme je vous ai dit tout à l'heure. On appelle cela comment? Istiwa, c'est-à-dire lorsqu'il est au milieu. Ça va? Wa alamatu zawal, le signe qui montre que le soleil il a décliné un peu, ziyadatu dhil, c'est l'augmentation de l'ombre, ba'da tanahi nuqsanihi, après avoir fini de diminuer. Après avoir fini de diminuer, de quel côté? Du côté du couchant. Du côté du couchant. Il diminue, diminue, diminue. Parce que lorsque le soleil monte, lui diminue. L'ombre, il diminue, diminue, diminue. Donc lorsqu'il finit de diminuer et qu'il augmente encore un peu, c'est ce qu'on appelle le zawal. Ça va? Wazalika li'anna dhil li shakhs. Car l'ombre de la personne, yakunu fi awwalin nahar tawilan mubtaddan. L'ombre de la personne au début de la journée est long, mubtaddan, et étendu du côté du couchant. Fa kullama irtafa'at ash-shams, chaque fois que le soleil s'élève, naqasa, elle diminue. Fa idan tasafa an-nahar, et lorsque le soleil au milieu maintenant, waqtu dhil, le zil s'arrête au milieu. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ Si le soleil décline, عَادَ الظِّلُّ إِلَى الزِّيَادَ Donc, l'ombre recommence à augmenter. Suivez bien cela. هَذَا هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ Voilà le premier moment de la prière de Zohr. Voilà ce sur quoi les musulmans doivent se baser. Voilà ce sur quoi les musulmans doivent se baser. Mais regardez autour de vous. Que ce soit ici, dans la sous-région, partout dans le monde, les gens ne connaissent plus le moment de la prière. Sauf les heures. Sauf les heures. Même ceux qui se prétendent de la sunna, la harifoun, ils ne connaissent pas. Et à l'abatou sunni indana, le signe du sunni chez nous, c'est qu'il prie à 13 heures. Hein? La prière à 13 heures, c'est un signe des sunni. Hein? Quel que soit le changement de moment, on prie à 13 heures. 16 heures, c'est 16 heures. Hein? Les seules prières qui changent de moment, c'est Maghrib, parce que là, ils n'ont pas le choix. Quand si tu dis, tu as prié toujours à 18h10. Souvent, il est 18h10, le soleil est comme ça. Tu as prié comment? Hein? Là, il n'a pas le choix. Mais chez d'autres, la prière de Maghrib peut changer comme il veut, mais la prière de Isha, ça reste pareil. Alors même si la prière de Maghrib est à 18h50, ils vont prier Isha à 19h. Oui. Ou bien 19h10. Ou bien. Voilà, nous êtes. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi les musulmans, ça, apprendre cela là, c'est wajib ou l'aïni ou bien kifaya. Hein? C'est wajib ou l'aïni. C'est une obligation individuelle sur chaque musulman. Obligatoire. Si tu ne connais pas, et que tu pries dans une heure autre que son heure, ta prière n'est pas acceptée, tu n'as pas d'excuse. Amam Allah. Devant Allah, tu n'as pas d'excuse. Mais les musulmans taghafalou an hada. Qu'Allah nous préserve. Donc ici maintenant il dit, Amma akhirum, quant au dernier moment de la prière du jour, فَقَدْ بَيَّنَتُ السُّنَّةِ La sunnah a clarifié cela. وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفِ C'est comme l'auteur du livre a mentionné مَصِيرُ الظِّلُ شَيْءٍ مِثْلَهُ سِوَى فَيْزَوَلْ Il dit, lorsque l'ombre d'une chose devient pareille à la taille de cette chose en dehors de l'ombre des Zawal. En dehors de cela. C'est-à-dire, l'homme du Zawal ne fait pas partie. Après l'homme du Zawal, il faut juste ajouter l'ombre qui est à la taille de cette chose-là. Zawal. C'est l'ombre qui est là lorsque le Zawal arrive. Ça va? Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque tu t'arrêtes, l'ombre qui est sous tes pieds, qui a juste décalé un peu, ça n'a pas décalé beaucoup, sous tes pieds qui a juste décalé un peu, c'est ce qu'on appelle Fey ou Zawal. L'ombre du Zawal. Maintenant, lorsque tu t'arrêtes et tu regardes la taille, il ne faut pas compter ce qui est sous tes pieds. Compte à partir des pointes de pied et regarde maintenant l'ombre qui est devant toi. Si c'est à la même taille que toi, alors C'est la fin de la prière de Zohor et le début de la prière de Asr. Mafoum? Prayez. وهو الذل الذي يكون موجودا عند الزوال. C'est l'homme qui est présent lorsque il y a le zawal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Tayyib. Donc ensuite ici, il dit قال الجيلاني كما في الأون المعبود. Jailani, il a dit, et c'est Abdul Qadir al-Jailani. Comme cela se trouve dans Aoun al-Ma'bud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Faiza aradta an ta'rifa dhalik. Si tu veux savoir cela, ce moment-là, faqis al-dhil. C'est-à-dire, il faut comparer l'ombre. Bi an tansuba'oudan. Tu piques un bois. Ça va? Autoqawwim qa'iman. Ou bien tu le fais arrêter, c'est la même chose. Fi mawdi' al-ard, sur la terre, mustawiyan mu'tadilan. Tu arrêtes le bois tout droit. Hein? Summa 'allam. C'est-à-dire mets le signe à la muntahi al-dhil. Jusqu'à là où ça va se terminer. Bi anta khutta khuttan. Khuttan. C'est-à-dire, trace un trait. Sum manzur. Ayankus am yazid. Et tu regardes, est-ce que ça diminue ou bien ça augmente. Fa in ra'aytahu yankus. Si tu le vois en train de diminuer. Alimta anna shams lam tazil ba'du. Ça va? Fa in ra'aytahu yankus. Si tu le vois diminuer. Tu sais que le soleil n'a pas encore décliné. Wa in ra'aytahu qa'iman. Si tu le vois debout, la yazidu wa la yankus, ça n'a pas diminué, ça n'a pas augmenté. Fazalika qiyamuha ay istiwa'uha. C'est-à-dire, c'est istiwa. Wa huwa nisfu nahar. Et c'est le milieu de la journée. La tajoutu salat hina izin. Il n'est pas permis de prier en ce moment. Faida akhadha dhillu fi ziyada, si l'ombre maintenant a commencé à augmenter, fadhalika zawalu shams, c'est le déclin du soleil, faqis min hadd ziyada, donc commence maintenant à, c'est-à-dire mesurer à partir du moment où il augmente, il a zilli zalika shay, jusqu'à à l'ombre de cette chose-là, c'est-à-dire du bois que tu as piqué sur la terre. Allazi qasat bihi tul azil. Donc, c'est cela que tu vas mesurer, c'est-à-dire la longueur de l'ombre. Fa idha balagha ila akhir tuli, si ça arrive jusqu'à la fin de sa longueur, fa huwa waqtu akhir dhuhr. C'est le dernier moment du jour. C'est-à-dire ce que le cheikh Abdul Qadir al-Jailani, il explique ici, c'est quoi? C'est-à-dire, prends un bâton et pique au sol. Maintenant, tu regardes la taille du soleil. Si le soleil est comme ça, tu mets un trait. Ça va? Un trait qui montre le déclin. C'est-à-dire le déclin. Lorsque l'ombre arrive en ce moment, l'ombre arrive, c'est-à-dire le istiwa, le milieu. L'ombre arrive en ce moment, c'est le moment où on ne doit pas prier. Et lorsque l'ombre bouge maintenant du côté, de quel côté? Du côté du levant. Ça va? Donc c'est en ce moment qu'on appelle Waqtu Zawal. Quant au Cheikh Abdul Qadir al-Jailani, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans Majmou al-Fatawa, il dit à Cheikh Abdul Qadir, il dit le Cheikh Abdul Qadir al-Jailani, min a'zami mashayikh zamanihim. Il fait partie des plus grands mashayikh de leur époque. Biltizam al-shar, c'est quelqu'un qui s'exigeait la sharia, wal amru bil ma'ruf wal nahyan al-munkar. Et il faisait partie min azam al mashayikh amran bi tark al hawa. Il faisait partie des mashayikh qui interdisaient aux gens de ne pas suivre les passions, parce qu'il était dans un moment où les gens s'étaient accrochés au hawa, qui sont ilmul kalam et autres, la rhétorique, la philosophie et autres, il y avait tous ces désordres-là. Abdul Qadir al-Jailani, voici ce que dit Cheikh Islam Muntemia à son sujet. Il est l'enseignant des deux savants connus que nous connaissons, qui est Ibn Qudama al-Maqdisi et Abdul Ghani al-Maqdisi. Le chef Sal al-Fawzan, hafizahullah, il dit à son sujet, il dit Abdul Qadir al-Jailani, rahimahullah, laysa soufiyan. Il dit Abdul Qadir al-Jailani n'est pas soufi. Wa innama huwa imam jalil. Il dit c'est un imam, un grand imam, min kudama a'immat al-Hanabila. Et il fait partie des imams du mazhab de l'imam Ahmad bin Hanbal. Les imams des Hanabila. Et la voie al-Qadiriyya, la voie al-Qadiriyya, al-Mansoubatu ilay, qui a été affiliée à Abdul Qadir al-Jailani, Makzoubatu Nari. C'est une voie qui a été inventée et c'est un mensonge si Abdul Qadir al-Jailani, walaysat tariqatan lahu. Et ce n'est pas sa voie. Donc cela se trouve dans Naqdu Kitab Tahqiq al-Maqal al-Farih. Et l'imam Cheikh Sal al-Fawzan, cette parole se trouve là-bas, dans le volume 3, page 136. Donc ici, voilà ce qu'a dit l'imam Cheikh Sal al-Fawzan au sujet de Abdul Qadir al-Jailani. Voilà qu'une part de l'ulama, il voit que Abdul Qadir al-Jailani, en ce moment, il avait un peu de tasawuf. Ça va? Il avait un peu de tasawuf. Et le tasawuf à ce moment-là, ce n'est pas le tasawuf que nous connaissons. La voie soufie en ce moment, le tasawuf en ce moment n'est pas une tariqa que les gens avaient créé une voie comme on voit aujourd'hui. Le tasawuf en ce moment voulait dire le zuhud, c'est-à-dire l'ascétisme, le fait de s'écarter de la dunya. Donc, à la cour l'Ehal ou imam min Aïmatul Islam, il était Cheikh al-Hanabila et il était aussi le chef deux des grands savants que nous connaissons, qui est Ibn Qudama, qui est celui qui a écrit Ibn Qudama al-Maqdisi. Il a écrit quel livre? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Il a écrit Umdatul Ahkam et il a écrit d'autres livres dans les hadiths. Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibn Qudama al-Maqdisi aussi, il a écrit l'Ummatul Itiqad. Dans le Coran des Asma'i wa Sifat. Ça va? Et c'est l'un des meilleurs livres que les Mashaïk même nous recommandent. Ça va? D'étudier et de lire ces livres-là. Comme par exemple, lorsque nous sommes rentrés dans les débuts de l'apprentissage avec le Cheikh Ali Rambi, Hafizahullah. Il a enseigné dans Asma'i wa Sifat, il nous a enseigné Umdatul Ahkam. Afwan, l'Ummatul Itiqad. L'Ummatul Itiqad. Il nous a enseigné l'Ummatul Itiqad. Et lorsqu'on a fini, le Cheikh, il a dit, c'est noté sur 100. Celui qui a 100, je l'autorise d'enseigner le livre. Et il a donné un temps pour qu'on puisse réviser. Ah, moi j'ai pas dormi. J'ai veillé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que j'ai eu 100 sur la note. Et le cheikh, alhamdoulilah, je l'ai envoyé, capture, tout ça, il était content. Donc pour dire que ce livre de Ibn Qudama, c'est un livre qui est grand. Si Ibn Qudama a été enseigné par Abdul Qadir al-Jailani, alors ce que les savants disent, c'est que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, là, la maquette n'a pas le tasawuf. N'avait pas le tasawuf que nous connaissons. Ça va? Dans la cour des Halles, il y a d'autres savants, en tout cas, qui lui reprochent les choses. Là, qu'il nous fait du là, on se base sur ce que Cheikh Sal al-Fawzan, Hafizahullah, il a dit. Donc ça, c'était le côté de Abdul Qadir al-Jailani, rahimahullah. والدليل على أن آخر وقت الظهر. La preuve qui montre que le dernier moment de la prière du moment du zour, ma zakara al mu'allif, c'est ce que l'auteur a mentionné. Qu'est-ce qu'il a dit? Hadith Jibril. Dans le hadith de Jibril, وفيه أنه صلى qu'il a prié لما lorsque كان في الرجل. Là. Il a prié l'âme qu'un a fait irradul. C'est ça? Mislahu. Lorsque l'ombre de l'homme était pareil à sa taille. Wahua awwal waqt al-asr. C'est le premier moment de asr. Dalla ala zalika hadith ibn Omar. Et ce qui montre cela, c'est le hadith de Ibn Omar. Ibn Omar, dans son hadith, il a dit quoi? Il dit que quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit waqtu salati zuhri, non, le hadith ibn Amr, non, le hadith ibn Amr qu'on a déjà vu, qui est waqtu salati zuhri iza zalati shams, le moment de la prière du zuhr, lorsque le soleil décline, an bat issama, bat issama, c'est-à-dire wasat issama. Ma lam tahdhur al-asr, tant qu'il n'est pas le moment de asr. C'est-à-dire, le dernier moment de la prière des zuhur est mutassil, est collé au premier moment de asr. Est collé au premier moment de asr. Voilà pourquoi, il y a certains savants qui, lorsqu'ils parlaient de diamant, ils ont divisé le diamant, le fait de rassembler les prières, en deux catégories. Ça va? Diamant al-haqiqi. Le diamant réel, qui est le fait de rassembler Zour et As, Maghrib et Pisha. Mais, ça se fait taqdim wa ta'akhir. C'est-à-dire, si tu veux rassembler les deux, tu peux rassembler Zour et As au moment de Zour. On appelle cela Jam'u taqdim. Maintenant, tu peux rassembler aussi les deux au moment des astres. On appelle cela Jam'u ta'akhir. Notez cela. Toyib. Maintenant, d'autres savants, ces mêmes savants disent maintenant, il y a Jam'u souri. Jam'u souri. C'est-à-dire Jam'u dans l'image, mais en réalité ce n'est pas Jam'u. Jamo souri. Jamo dans l'image, mais en réalité c'est pas Jamo. Cela consiste à faire quoi? À prier Zour au dernier moment et prier Asr au dernier, au premier moment. Puisque les deux moments sont collés. Ça va? Lorsque l'ombre est pareil à ta taille, tu pries Zour en ce moment, tu finis Zour, tu te lèves, tu fais Asr, Mubashara. Ça va? C'est ce qu'on appelle Jam'u al-Souri. Walakin, le Cheikh Albani, rahimahullah, dans Silsilat Huda wa Nour, dans l'une de ses cassettes, il dit Al-Jam'u al-Souri, ce Jam'u-là, Akuluha al-An. Il dit, je dis cela sorahatan, de façon claire. Ma kultuha min qabl, et je n'ai jamais dit cette parole-là. Wa ce jamu souri min bida'il hanafiya. Ça fait partie de la bida de hanafiya. Li'annahu car la yujadu fi shar. On ne trouve pas dans la législation ayy hadithin, aucun hadith as-sarih qui est clair bil jam'i souri, qui montre que on doit faire ce jamu. Intaha kalam. Fin de citation. C'est la parole du Cheikh Albani rahimahullah. Wa huwa muhaddith. Muhaddith al-asr. S'il ne dit il n'y a pas de hadith, khalas. Naktafi bihal. Il se peut peut-être qu'il y a hadith, il n'a pas vu, mais on n'a pas encore vu. Qui montre que les compagnons ont fait cela. Donc il a dit min bida'i al-hanafiyya. Le jamu souri. Ça va? Qui consiste à prier le jour dans son dernier moment. Et maintenant, se lever Moubachara sur le champ et prier Asr dans son premier moment. Ça paraît comme si tu avais rassemblé les deux prières alors que tu n'as pas rassemblé. Tu as prié chaque prière à son heure. Ça va? Alors nous avons la compréhension. Tayyib. Donc, ici, il dit وهذا يدل على أن آخر الظهر هو أول العصر. Cela montre que le dernier moment de la prière du jour est le premier moment de la prière de Asr. وصلى جبريل عصر. Jibril a prié Asr. لما كان في الرجل مثله. Lorsque l'homme de l'homme était pareil à sa taille. Malasabi Shadid. Comment on pourrait résumer cette sunnah? Dans un monde où nous-mêmes on a déjà mis les heures de prière. 13 heures c'est 13 heures. Hein? 16 heures c'est 16 heures. Les sunnites, et c'est 15 heures 30. Ou bien 15 heures 45. La prière des jours, c'est 13 heures. On connaît les sunnites par ça. Ou bien, comment on peut faire vivre cette sunnah? Parce que Al-Mushkila, lorsque tu fais revivre cette sunnah, les gens même, souvent tu regardes Maslaha et puis tu es obligé de mettre une heure fixe, quoi. Sinon, les gens ne vont plus venir chez toi. Ils vont venir une fois, deux fois, ils vont dire, mais s'ils ratent une fois, ils viennent qu'on dit l'heure a changé demain. La semaine prochaine, l'heure a changé. Ah! Je vais dire, tiens, c'est quelle mosquée ça là? C'est mieux, je vais aller chercher un endroit où c'est fixe. Là, je fais mon programme. Parce que les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour la prière. Hein. Soit même si tu n'es pas 10 minutes même, ils ne vont plus venir chez toi. Là, vous. Je dis, non, mais l'imam est dû. Ou bien? Donc? Oui, il faut les expliquer. Voilà pourquoi on est en train de vous expliquer. Ou bien? Hein? Mais le problème, c'est que même, ceux même qui sont devant les fidèles là, est-ce qu'ils connaissent? C'est ça qui est le problème. Même s'ils connaissent, ils ont d'autres priorités qu'ils enseignent aux gens. Pas ça. Pourtant, cette sunna est délaissée. Vrai ou faux? Si on ne considère pas, le azan a été placé pourquoi? Quelle est la hikma de azan? Comme dit Cheikh Ousseymine dans Charles Montaigne. Il dit la hikma de azan, c'est que le moment de la prière change. Et il faut chaque fois faire le azan pour interpeller les gens que c'est le moment de prière. Regardez sur notre montre ici. Midi 3. Normalement, à partir de midi 3, on fait azan, on prie à midi 10. Oui. Et c'est waqtul fadil. Mais, si tu fais cela, Roubama, tu n'as pas trouvé quelqu'un derrière toi. Hein? Ou bien? Mais si tu expliques aussi aux gens, on dit, venez au Dourouz. Regardez, vous êtes assis, vous êtes combien? Il y a combien de musulmans qui peuvent venir assister à ça pour connaître leur religion? Écoutez, non, ils ne viennent pas. Ou bien, quand est-ce qu'ils vont apprendre? Ils n'apprennent pas. Donc, on veut mettre en pratique, mais souvent on regarde des masses là. De mettre un temps où vraiment on ne sort pas, en tout cas, du temps. Est-ce que vous comprenez? On ne sort pas, en tout cas, du temps. Comme par exemple, notre Isha, c'est quel? 20 heures. Quel que soit Alpha, on est toujours dans le temps. Hein? Non, c'est pas pour les retardataires. Mais, normalement, là, le Isha, c'est le takdir qui est méritoire, mais c'est le takhir. Le takhir ou le Isha, c'est ce qui est méritoire. Normalement, on devait peut-être parler à l'imam, on va mettre à 22 heures. Ça va stand. Ça va stand. Non, qu'Allah nous aide. Et qu'Allah nous aide à mettre ces sunnah en pratique. C'est une sunnah, ikhwa. Et le cheikh Raslan Afizaullah, il a mis cela dans une risala où il parle des sunan al-mahjoura. Non. Donc, qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, amma innahu laysa fin nawmi tafrit. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas de négligence dans le sommeil. Innama tafritu. La négligence n'est que ala man lam yusalli, celui qui n'a pas prié, salatan, une prière, hatta yaji, ou jusqu'à ce qu'il vienne, waqtul ukhra, l'heure de l'autre prière. C'est celui-là qui est négligent. Sinon, celui qui dort et que l'heure de la prière passe, est-ce qu'il est négligent? Hein? Il n'est pas négligent, sauf s'il dit à sa femme, quel que soit Alpha, il ne peut pas me réveiller. Même s'il est l'heure, il ne peut pas me réveiller. Il a fait exprès. N'est-ce pas? Mais si tu dors, il n'y a personne pour te réveiller. Alors, il n'y a pas de négligence sur toi. À ta fille, c'est celui qui laisse la prière passer. Non? Non. Alors. Ouais, mais tout ça dans des nains, tu coupes ou quoi? Sans être. Non, mais si tu es arrivé à couper, c'est que tu t'es arrivé pour couper. Mais souvent, quand le sommeil est profond, tu coupes même sans t'en rendre compte. Non, mais ça arrive. Ça arrive. Ça la facilite. Ensuite, il dit quoi? Wakhtalafa ahlul ilm fi akhir waqt asr. Les savants se sont divergés sur le dernier moment de la prière des asr. Le cheikh, il a dit ici, l'imam Shawkani, il dit le dernier moment de la prière des asr, madamat ash-shams bayda. Tant que le soleil est blanc. Ça va? C'est-à-dire est clair, jaunir. Ça va? Donc, à ce moment-là, c'est le dernier moment. Voilà qui. Le cheikh Ali Ramli dit, ils se sont divergés des ikhtilaf al-adilla fi dhalik, à cause des nombreuses preuves hein, qui se divergent. Mais le cheikh Ali Ramli, Rajjaha, lui, il a rendu prépondérant une parole. Il dit, wa asahhu al-aqwal fi dhalik, la parole la plus authentique en cela, et c'est ce que moi aussi je choisis, nous choisissons, sauf si vous ne voulez pas. Anna waqt al-asr, le moment de la prière des asr, la yakhruju bi hayth yuqalu fatatuhu al-asr, ne sort pas du fait qu'on dit que celui-là il a raté la prière des asr, illa bi ghurub ash-shams, que par la disparition du soleil. C'est-à-dire, le moment des asr, on ne dit pas qu'une personne a raté la prière des asr que lorsque le soleil tombe. Et les dalils sont très clairs à ce sujet-là. Ça va? Le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man adraka raka'atan min al-asri, celui qui atteint, qui trouve une raka'at de la prière des asr, qabla anta ghuruba ash-shams, avant que le soleil ne se couche. Ça va? Faqad adraka al-asr. Il a eu asr. Et le hadith est muttafaqun alayh. Bukhari Muslim. Ça va? Le hadith est clair ou pas? Hein? Non. Mais, walakin la yajouz. Mais il n'est pas permis li ahad. À une personne en yudawima, c'est-à-dire d'être chaque fois constant à la ta'khiriha, dans le fait de retarder et la akhir waqtiha, jusqu'à son dernier moment. Le qawl du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ukhbirukum bi salati al-munafiqin. Il dit, ne voulez-vous pas que je vous informe de la prière des munafiqins? Les compagnons disent, non. Yada ulas, il laisse la prière des as, hatta idha kana bayna qarnay shaytan. Jusqu'à ce que, lorsque le soleil est entre les deux cornes, parce que le soleil se couche, entre les deux cornes du shaytan, ou à la corniche, ou bien le soleil sur les deux cornes du shaytan, comme, فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ دِيكِ. Il est picore. Il picore la prière comme le coq picore la nourriture. Tu vois le coq, quand il picore là, il prend pas le temps. Kaka, et puis il s'en va. Ça va? Il picore maintenant la prière كَنَقَرَاتِ دِيكِ. Comme le coq il picore la nourriture, لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا. Il ne fait pas l'évocation dans la prière que peu. Peut-être s'il a trop fait, c'est Allah, ça aussi c'est une évocation. Il descend, Allah, c'est tout. Il picore la prière. Donc, voilà pourquoi, ce moment, indal hajja, lorsqu'il y a un besoin, il y a une difficulté, ça va? En ce moment, tu peux retarder jusqu'à avant le coucher du soleil. Ça va? Mais, ce n'est pas la sabil mudawar. Mais, c'est le dernier moment des asr, c'est avant le coucher du soleil. C'est-à-dire, si le soleil se couche, alors tu es sorti dans la prière de asr. C'est ce qui est sorti. Et c'est ce que le hadith est clair dessus. Ce hadith que nous venons de citer aussi vient dans Sahih Muslim. Ce hadith que nous venons de citer vient dans Sahih Muslim. Wa waqt al-ikhtiyar, le moment du choix, c'est-à-dire le waqt al-ikhtiyar, c'est-à-dire le moment où tu as le choix de prier. Et là, isfira al-sham, c'est-à-dire le premier moment jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Là, tu as le choix de prier au moment où tu veux dans ces deux moments. Mafoum? C'est-à-dire au moment où ton nombre est pareil à ta taille. Jusqu'à ce que le soleil jaunisse, c'est waqtu al-ikhtiyar. C'est-à-dire si tu veux, tu pries au moment où tu veux, entre ces deux moments. C'est ce qu'on appelle waqtu al-ikhtiyar. Les hadiths d'Ibn Amr, à cause des hadiths d'Ibn Amr qui dit « Wa waqtu salat al-asr » l'heure de la, le moment de la prière de l'asr, « Ma lam tasfar al-shams » tant que le soleil n'a pas jauni. « Wa ba'da zalika ila al-ghurubi » et après cela, maintenant jusqu'au ghurub, c'est « waqtu darura » c'est le moment de yani, force majeure, c'est-à-dire le moment où vraiment on n'a pas pu avoir et on veut rattraper. On appelle cela waqt al-durura. Quel est le waqt al-ikhtiyar? Non? L'ombre fait la taille de la personne jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Ça c'est waqt al-ikhtiyar. Maintenant waqt al-durura. De ce moment-là, il se fera le chance jusqu'à ce que le soleil se couche. Non. Non. Non, ça rejoint. Jusqu'à ce que ça soit deux fois. Non, j'ai déjà vu, il y a beaucoup de couteaux, les savants, d'autres savants disent cela. Là, c'est la balance qui est là. D'autres mettent la balance jusqu'à ce que ça soit deux fois, parce que c'est en ce moment, il y a le isfira. Ça va? C'est en ce moment, il y a le isfira. Donc, il pèse par cela. Mais khalas, nous disons isfira au shams. Le isfira, ça pèse deux fois la taille, comme ça peut même dépasser. Ça va? Non. طيب. Donc, il a dit, وقت الضرورة, c'est-à-dire, أي من اضطر, celui qui est obligé, إلى تأخيرها, de retarder la prière de Asr, إلى ذلك الوقت, jusqu'à ce moment-là, جاز له تأخيره. Il est permis de retarder. كالحائط, comme la femme en état de menstruer. Lorsqu'elle se purifie, au dernier moment de Asr, elle prie Asr. Ça va? Wal majrur. Majrur, c'est le blessé. Ça va? Yashuqu alayhi an yusalli qabla al-isra. C'est difficile pour lui de prier avant que le soleil soit jaune. Wa hakaza. Donc, ces personnes-là, lorsqu'ils sont obligés, ou même des personnes qui sont en retard, par des cas de force majeure, alors, c'est permis. Maintenant, waman akharaha amdan. Mais celui qui retarde la prière, c'est-à-dire exprès jusqu'au dernier moment, faqala ba'duhum, c'est un savant dit ya'sam. Il est dans le péché. Faqala al-ba'du al-akhar, c'est un dit la ya'sam. Il n'est pas dans le péché, walakinnahu fi'ilun makruh. Il a fait quelque chose de détestable. Wa al-zahir, et c'est ce qui est apparent. Le qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, innama tafritu, la négligence est ala man lam yusalli salatan hatta yaji waqt al-ukhra. Et la négligence est celui qui n'a pas prié une prière jusqu'à ce que le moment, l'autre moment de la prière rentre. Donc celui-là a fait quelque chose de makro. Ça va? طيب. Ensuite, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit, وأول وقت المغرب. Donc, on a fini avec les deux moments. Qui peut me résumer les deux moments? Zuhr et Asr. Non? Zuhr? Zawal? À sa taille. Non, Sahih. Ça, c'est très important de connaître et puis de peser le temps selon ça. Zawal, c'est quoi? C'est lorsque le soleil il décline un peu comme ça. Ça va? C'est ce qu'on appelle Zawal. Tu commences à prier en ce moment jusqu'à ce que l'ombre, ton ombre soit égale à ta taille. Ça va? Mais en dehors de ce qui est sous tes pieds. Ça va? Ok? Maintenant, la prière de Asr commence en ce moment jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Voici le premier moment. Et le waqt d'aurora, du moment où le soleil jaunit jusqu'à au coucher du soleil. Ça va? C'est très important de connaître cela. Non? Non? Non? Non, je pense qu'aujourd'hui, Allah nous a facilité beaucoup de choses. Hein? Vous voyez la montre là. Lui, c'est automatique. Hein? Ou bien, il mesure selon le temps, c'est automatique. Vous pouvez avoir ces applications-là dans vos téléphones. En ce moment, s'il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'application, il n'y a pas ce truc-là, c'est Amr Ijtihadi. C'est Ijtihad. Toi, tu connais le temps. Et tu sais qu'en ce moment-là, il est l'heure. Tu fais ton ijtihad, tu pries. Et ta prière est acceptée. Ça va? C'est comme quelqu'un qui va dans un endroit. Il n'a pas de boussole, il ne connaît pas la qibla. Qu'est-ce qu'il fait? Yatahara. Il fait l'effort de chercher la qibla. Maintenant, s'il se trouve qu'il a trouvé un endroit où il pense que c'est la Kibla, ça va? Il prie. Si après sa prière, quelqu'un dit, mais ah, la Kibla est derrière toi. Khalas, la prière c'est. Ça va? Donc c'est très important. Donc en ce moment c'est ijtihad. Ça va? Non. Allah nous a toujours facilité cela. Qu'Allah nous facilite. Donc, il dit wa awwal waqtul maghrib, le premier moment de la prière de maghrib, du temps, du moment de maghrib, ghurub ash-shams. C'est le coucher du soleil. Wa akhiruhu, le dernier moment, zahabu ash-shafaqi al-ahmar. C'est la disparition du crépuscule rouge. Ça va? C'est ce qu'on appelle shafaq al-ahmar. Donc ici, bada yabda waqt al-maghrib, le moment de maghrib commence bi maghrib ash-shams, lorsque le soleil il disparaît. Aï, c'est-à-dire bi ikhtifa, le fait que se cache qarf ash-shams, le disque même du soleil. Ça va? L'entité du soleil. Wala mahal ijma, et c'est un consensus. Ça va? Wal ahadith tadullu alayh, et les ahadith montrent cela. Ça va? Wa amma akhiruhu, quant au dernier moment de maghrib, fa daliluhu hadith Abdullah ibn Amr. Le dalil c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr. Qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit wa waqtu salat al-maghrib, le temps de la prière de maghrib, idha ghabat ash-shams, lorsque le soleil se couche, ma lam yasqut ash-shafaq, tant que le crépuscule n'est pas tombé, c'est-à-dire n'a pas disparu. Wa sahih min aqwal ahli al-ilm, ce qui est correct de la parole des savants, anna ash-shafaq wal ahmar, c'est-à-dire le crépuscule il est rouge, wa laysa al-bayad, c'est pas une blancheur. Ça va? Soha an Omar, an Ibn Omar, c'était authentifié d'Ibn Omar, anna uqal ash-shafaqul ahmar. Hein? Il dit que ash-shafaqul al-humra, afwan. Wa huwa a'lam bizarik. Et Ibn Omar, il est le plus savant au sujet de cela. Ça va? Non, voici le moment de al-maghrib. C'est ça? Tayyib. Donc ici, le chef Mohamed bin Salih al-Husseymin, il dit, le shafaq al-ahmar, wa huwa yakhtalifu ahyanan, c'est-à-dire sa disparition, c'est-à-dire ça altère souvent, c'est pas pareil. Yakunu bayna al-ghurub wa bayna maghrib al-shafaq al-ahmar, entre le coucher et la disparition de shafaq al-ahmar, souvent, c'est sa'atun wa rub'. Ça a une heure, robot c'est une heure divisée en quatre, ça fait combien? 15, 1h15. Voyez, c'est-à-dire entre le coucher du soleil jusqu'à la disparition de Shafaq al-Ahmar, il y a 1h15, il dit souvent, ça va? Mais souvent c'est ça, c'est une heure, Wasintani wasalasuna daqiqa, 1h32. 32 minutes. Souvent c'est 1h. Le minimum c'est 1h15. Maintenant souvent c'est 1h32 minutes même. Cheikh Ousseymine, rahimahoullah. Ça va? Cheikh Ousseymine, il a dit cela dans Fatwa Nuru al-Adab. Ça va? Donc ici, ceux qui prient à 18h30 et ils vont prier à 19h00. Ça, c'est le deuxième maghrib. Hein? Maghrib ou sale. Mais c'est pas Isha. Beaucoup d'entre eux, ils font cela. Voilà qu'ils, comme ils apprennent pas, ils veulent pas apprendre. Ils veulent pas savoir. Quand ils les apprennent, ils disent, toi, t'es Wahhabia. Mais ils vont faire tout cela. Et ils vont arriver le jour de Yom Kiyama. Hein? Et Allah va annuler tout cela. Hein? Voilà pourquoi les Arabes disent Al-Jahilu Adouwa Nafsi. Il est ennemi de sa propre personne. L'ignorant. Hein? Il n'y a pas plus grand ennemi pour toi-même puisque ton ignorance. Ou bien, voilà que les gens ils n'apprennent pas. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous arrêter ici. Et, bismillah, la semaine prochaine, nous allons continuer dans le moment de Isha et le dernier moment de Isha. Ensuite, le moment de Fajr. Ça va? C'est ce qu'on appelle Fajr Sadiq ou Fajr Kazi. Le Fajr Sadiq. Hein? Et puis le Fajr Kazi. Donc, pas tu ris. Hein? Parce que la masala fait que d'autres n'ont pas prié Isha et Fajr. Non. C'est très important de connaître cela. Fajr Sadiq et Fajr Kazi. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, le Daz va parler de cela. On va montrer trois signes. Ça va, trois signes de Fajr Sadiq. Ça va, trois signes de Fajr Sadiq. Non, trois signes de Fajr Kazi. Ça va? Et puis quelques signes de Fajr Sadiq. De Fajr Sadiq. Donc tout ce que nous avons vu, le moment, vous mémorisez cela. Et la semaine prochaine, avant de commencer, je vais vous poser des questions. Avant de commencer, pour voir si on a compris. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.